Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 22. Alors, Podcast Science à deux cette semaine avec Mathieu seulement. Salut Mathieu. Salut Professeur Fan. On n'a pas Antoine, c'est pour la bonne cause, il fête le nouvel an. Le nouvel an vietnamien, il entre dans l'année du chat et puis d'ailleurs il nous a préparé ce petit message. Alors voilà, on écoute Antoine. Bonjour à tous et à toutes et vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à ce Podcast Science. Mais comme vous le savez peut-être, c'est le nouvel an asiatique. Donc, Chúc Mừng Năm Mới, comme on dit en vietnamien, hein, bonne année du chat et non du lapin pour nous autres vietnamiens. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, que de bonnes choses pour tout le monde, quoi. Et continuez à écouter Podcast Science, continuez à réagir comme vous le faites, continuez à nous critiquer, à nous encourager, etc., etc. C'est vraiment ce qui nous fait avancer et c'est toujours un plaisir de présenter cette émission avec mes deux amis Alan et Mathieu, et ça me fend vraiment le cœur de pas pouvoir assister à ce podcast science numéro 22. Mais je vous retrouve la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, pour un nouveau dossier, vous allez voir, pour mon grand retour. Donc voilà, encore bonne année et mes meilleurs vœux. Ciao. Voilà, sympa, hein. Excellent. Mais d'ailleurs, c'est l'année du chat pour les Vietnamiens, mais je crois que pour les Chinois, c'est l'année du lièvre, non? Visiblement, exactement. Il y a une différence de calendrier. Faudra lui demander ça au prochain épisode. Ouais, alors c'est confirmé. Il n'y a que pour le lièvre, en fait, que c'est différent chez les Vietnamiens, mais on ne sait pas pourquoi. Ah. Donc, ouais, Antoine, il faudra que tu nous expliques la semaine prochaine. Ah bon, d'accord. Bon, alors il nous expliquera tout ça. Yep. Ok, alors cette semaine, on a un seul dossier. Tu t'es de nouveau attaqué à un truc méga costaud. Tu vas nous expliquer les origines de l'univers. Mais avant ça, on a quelques petites news. Toi d'abord. Alors oui, tu te rappelles, la semaine passée, j'avais parlé d'un nouveau dinosaure qui avait été découvert dans le parc d'Ichigualasto en Argentine. Ouais. Eh bien, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Là, on en a découvert un autre, une nouvelle espèce de dinosaure de un doigt. En fait, ils n'ont qu'un doigt, et cette fois-ci en Mongolie. Et donc, cette nouvelle espèce de dinosaure porte le nom de Lienicus monodactylus. Ouais. Et en fait, il appartient à un groupe de dinosaures carnivores et bipèdes, qu'on appelle les théropodes. Et ce serait un type de dinosaure qui serait à l'origine des oiseaux modernes. Et son fossile a été découvert dans une zone frontalière entre la Mongolie et la Chine. Une zone qui conserve des formations géologiques datant de 80 millions d'années, donc la période du Crétacé supérieur. Donc c'est un peu plus tôt, pas mal plus tôt que du dinosaure dont on parlait la semaine passée, qui avait vécu il y a 230 millions d'années. Celui-là, c'est plutôt il y a 80 millions d'années. Ouais, peanuts à l'échelle du cosmos. Voilà. Donc il s'agit d'un dinosaure de petite taille, grand comme un perroquet en fait, d'un demi-mètre tout petit. Et son unique doigt aurait pu servir à creuser des nids d'insectes. Donc voilà pourquoi il aurait un unique doigt. Ok. Donc voilà pour ce dinosaure. Donc on verra si la semaine prochaine, il y en a un nouveau qui a de nouveau été découvert. Bah ouais, au rythme d'un dinosaure par semaine. Là, il faut pas baisser la cadence. Ouais, il me semble qu'ils sont de plus en plus petits. Il était déjà pas très grand la dernière fois, ton dinosaure. Ouais, c'est vrai. Ils sont de plus en plus petits, ouais. Ouais, comme si on avait découvert tous les gros maintenant. Voilà. C'est les miettes. Ok, bon alors moi j'ai pas beaucoup de news, si ce n'est de relayer les news que nos amis ont eu l'excellente idée de poster sur Facebook. Donc Olivier Tripet tout d'abord qui a partagé une découverte, c'est un nouveau réseau social destiné à l'enseignement des sciences dans le primaire. Enfin nouveau, je crois qu'il vient de le découvrir, mais je vais aller jeter un œil. C'est un projet qui commence à dater. Ses origines remontent à 2008. C'est une plateforme qui devait s'adresser en priorité aux futurs profs de sciences, donc les étudiants de l'Université de Genève. Mais les concepteurs à l'époque avaient opté pour une solution ouverte, donc vraiment de type réseau social. Puis du coup, le site bénéficie de plein de contributions d'un peu partout. Ça pourrait être cool que de temps en temps on y contribue aussi quand on a des dossiers qui se prêtent particulièrement bien à l'enseignement, pourquoi pas quoi, apporter notre petite contribution. En tout cas, c'est une initiative bien sympa. Il y en a une autre d'initiative sympa. Voilà, je me lance dans les news Facebook. En fait, là, je fais déjà une parenthèse parce que ça n'a rien à voir avec Facebook. C'est cultureprimaire.be, un site internet découvert un peu par hasard. En fait, non, ils ont. C'est. Je ne sais pas si c'est un des profs ou un des élèves, un des profs, je crois, qui avait tweeté la semaine dernière qu'il était en train de nous écouter avec ses élèves, justement. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Donc, l'explication qu'on trouve quand on va sur le site, c'est pourquoi faire un site de classe solitaire alors que l'on peut faire naître une collaboration entre deux classes d'écoles différentes. Donc, en fait, il s'agit d'une collaboration entre plusieurs classes primaires de Belgique. Et puis on voit que les échanges sont très sympas. Donc salutations à tous les élèves. Je ne sais pas s'ils continuent de nous écouter. En Mais tout ça cas, touche pas c'était la forcément la semaine dernière. science, ça, ou bien ça traite un peu tous les sujets qu'on peut enseigner dans ces classes-là. Ouais, absolument, D'accord. absolument. Mais entre autres de sciences. Alors, ce que j'ai trouvé génial, c'est que voilà, c'est des profs qui apparemment sortent un peu des sentiers battus, quoi. Faire écouter Podcast Science à leurs élèves plutôt que le programme de sciences officiel, je trouve assez cool. Donc voilà, je voulais juste saluer l'initiative. Sinon, alors retour aux petites news Facebook. C'est encore Olivier Tripet qui a partagé un papier de Business Garden sur universcience.tv. On l'avait peut-être évoqué, ou peut-être que parfois on partage des liens, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de news là-dessus. Donc c'est la web TV gratuite dédiée à la science. C'est une web TV hebdomadaire qui est produite par le nouvel établissement qui regroupe la Cité des Sciences, pardon, la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Donc on trouve régulièrement et gratuitement des nombreuses vidéos sur plein de thématiques scientifiques, sous forme de documentaires scientifiques, de reportages, d'interviews de scientifiques et d'experts, de journaux d'actualité, des quiz, etc. C'est assez bien fait. On mettra le lien, c'est tout simple, universcience.tv, mais ça vaut le détour. Sinon, Olivier Tripet, toujours notre décidément plus grand contributeur, qui partageait une petite news sur des microbiologistes qui créent un logo Google vivant. T'as peut-être vu la vidéo. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, la portée scientifique de ce truc-là, je sais pas, mais enfin, c'est plutôt rigolo, quoi. C'est pour le fun. Exactement, ouais. C'est une vidéo qui met en scène des chercheurs en blouse blanche, et il y en a même qui a une barbe, enfin, on se croirait un peu dans les sketchs des nuls à l'époque, puis qui s'amusent en fait à faire se reproduire des bactéries dans des colorants aux couleurs du logo Google, jusqu'à produire un logo vivant, bon, marrant. Et puis encore autrement, Xavier Agnès, l'autre gros contributeur, qui partage une petite vidéo de la BBC, assez chouette, qui fait le point sur les trouvailles de ces dernières années de la NASA en termes d'exoplanètes. Ils en ont déjà trouvé 500 et peut-être un millier, donc j'imagine que c'est le temps de décrypter toutes les informations recueillies, grâce au télescope spatial Kepler, qui a la particularité d'être dédié à cette mission, puis qui ne regarde qu'un petit bout du ciel à la fois. Donc ouais, très intéressant, super bien fait, on partagera bien sûr le lien sur le site. Et puis, last but not least, c'est Alexandre Seguin qui nous demande de partager les podcasts que nous écoutons. Donc moi, je n'ai pas eu le temps de préparer les miens, mais je suis OK de le faire pour la semaine prochaine. Toi aussi, j'espère. Et puis Antoine, sans doute. Ouais, on peut Ça va? préparer ça pour la semaine prochaine. Mais bon, je pense qu'on va tous écouter un peu. On écoute un peu tous les mêmes podcasts. En tout cas, Ouais, je en pense tout cas, les qu'il y aura pas mal scientifiques, de... il y aura pas mal de. Ouais, il y aura pas mal de recoupements, ouais. Mais ouais, on en parle volontiers la semaine prochaine, ouais. Voilà. Et puis, bah, sinon, encore une petite chose à dire, c'est de nouveau un merci à Olivier Tripet. Je sais pas quand on va l'intégrer officiellement dans le podcast, ce garçon. Enfin, grâce à lui, je vais visiter le CERN samedi. Enfin, grâce à lui et à la conférence LIFT, il restait une place. Olivier Tripet l'a vu et puis m'a tweeté l'information. Autrement, je l'aurais complètement loupé. Donc voilà, je m'embarque samedi matin pour une visite du CERN. Alors évidemment, j'espère en faire un petit sujet pour la semaine prochaine. Excellent, dis donc, t'as de la Ouais, chance. drôlement cool. Ah ouais, je me réjouis. Ouais, je suis jamais allé au CERN, moi. J'aimerais bien aussi y aller une fois. Ouais, bon là, t'étais un peu loin J'étais un peu loin, ouais. pour te joindre, ouais. Mais à défaut, je vais un petit peu en parler aujourd'hui. Aussi. Ok, bah cool. Bah d'ailleurs, voilà un enchaînement tout trouvé. Parce que tu vas donc nous parler de l'origine de l'univers. Ouais, gros sujet. Un sujet que j'avais pas prévu de faire en fait, mais je sais pas si tu te rappelles, la semaine passée j'avais cité un nouveau podcast que nous avait fait découvrir Xavier Agnès qui s'appelle Ciel et Espace Radio.fr Ouais. Et bah, ce week-end, j'ai commencé à écouter quelques épisodes et je suis tombé sur une émission dans laquelle il y a un entretien avec un physicien français qui s'appelle Étienne Klein, ou Étienne Klein, je ne sais pas comment on dit exactement. Ouais, on dit Klein Klein. en France. Ouais, quelle drôle d'idée, c'est Moi, français. j'ai plutôt tendance à dire Klein. Enfin bon, Bah ouais, ça s'écrit Klein, quoi, Klein. qu'on m'excuse si j'écorche son nom, je sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, cet entretien avait pour but de parler de l'origine de l'univers. Et entre autres, de retranscrire un peu ce que Étienne Klein a écrit dans son dernier ouvrage, enfin je ne sais pas si c'est son dernier ouvrage, mais dans un de ses livres qui s'appelle Discours sur l'origine de l'univers. Et j'ai écouté tout ça, c'est un podcast en 3 épisodes en fait, donc un entretien, sous forme d'entretien, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et bon, Étienne Klein manipule des concepts quand même assez difficiles, des moments, bien que ce soit un excellent vulgarisateur, mais des fois il part un peu dans des degrés d'abstraction qui sont quand même assez costauds. Alors je me suis dit, bon, avant d'oublier tout ce qu'il a raconté, je vais essayer de le mettre par écrit, puis en faire un petit dossier pour Podcast Science. Ah bah c'est bien cool, Alors chouette. ça va plutôt être un gros dossier qu'un petit. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de l'origine de l'univers, il y a une science qui s'intéresse à ça, qui s'appelle la cosmogonie, qu'il ne faut pas confondre avec la cosmologie. Donc la cosmogonie, c'est la science qui tente de décrire la formation de l'univers, alors que la cosmologie, c'est la science qui s'intéresse aux lois qui gouvernent l'univers en tant que système physique. Donc la cosmologie, elle s'occupe de l'univers une fois qu'il est là. Elle ne s'occupe pas comment il est arrivé là, l'univers. D'accord? Et elle D'accord. essaie de comprendre comment il se comporte. Et la cosmogonie essaie de comprendre comment il est apparu, l'univers. Alors, Mais évidemment, la cosmogonie, c'est une science. écoute, sur la Wikipédia, ils disent que c'est une science. Alors, justement, D'accord. je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a d'une part des théories physiques qui essayent de décrire comme elles peuvent l'origine de l'univers. Donc là, on est dans un domaine scientifique. Mais il y a aussi tout un certain nombre de notions assez abstraites, plutôt métaphysiques, qui rentrent dans la cosmogonie. Et bon, là, on est un peu moins dans le domaine de la science. Ouais, il y a toutes les mythologies de toutes les cultures Ouais, qui expliquent exactement. l'origine de l'univers, quoi. C'est ça aussi qu'on appelle des cosmogonies, hein. Ouais, d'ailleurs, paraîtrait-il qu'il n'y a pas de culture sans cosmogonie. Donc chaque culture a sa propre explication de l'origine de l'univers. Ok. Mais justement, Étienne Klein parle de deux, trois idées qui sont assez abstraites, comme la nature de l'univers. Qu'est-ce que la nature de l'univers? Qu'est-ce que le néant? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot origine? Parce que mine de rien, le mot origine, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un mot très difficile à apprivoiser, hein, parce qu'il y a plein de concepts qui se cachent derrière. Et qui, comme le néant, peut amener à certains paradoxes et certaines contradictions. Donc il nous parle un peu de tout ça. Là, je ne veux pas en parler parce que ça ferait vraiment trop lourd pour le dossier. Par contre, j'ai retranscrit ça dans l'article publié sur le site. Donc si vous voulez voir un peu comment il conceptualise toutes ces abstractions de néant et autres, vous pouvez sans doute lire le début du dossier, je parle de ça. D'accord, ouais, moi j'ai écouté un bout du podcast et puis effectivement au début il insiste pas mal sur ces notions-là. En fait il déconstruit tous les concepts en passant par ouais, la linguistique, la philosophie pour expliquer les origines de toutes ces croyances pour après pouvoir vraiment attaquer le sujet en étant sûr qu'on parle tous de la même chose, quoi. Ouais, exactement. Il essaie de créer Ouais. un vocabulaire commun C'est ça, ouais. pour qu'on parle tous de la même chose. C'est exactement ça. Alors moi, je vais directement rentrer, pas dans le terme origine, de ce qu'il veut dire, mais plutôt dans l'origine de l'univers en termes scientifiques. Donc quand on parle d'origine de l'univers, ce qu'aimeraient avoir les physiciens, les scientifiques, c'est de pouvoir avoir une théorie qu'on appelle unifiée du tout, qui pourrait décrire non seulement comment se comporte l'univers, mais comment il est apparu. Et quand on parle de théorie unifiée du tout, l'idéal, ce serait de pouvoir, dans cette théorie, dire que dans l'espace, il n'y aurait qu'une sorte d'objet, une sorte d'élément fondamental qui engendrerait tous les objets présents dans l'univers. Et ces objets dérivés acquerraient alors une sorte d'origine secondaire par rapport à l'élément fondamental. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait avoir dans une théorie unifiée. Mais on aimerait aussi avoir autre chose, c'est c'est d'avoir que le contexte et qu'un certain nombre de conditions aient permis l'émergence de l'existence de l'univers. C'est-à-dire, on aimerait un élément fondamental et on aimerait un certain nombre de lois qui permettent de nous expliquer ça. Ok. Mais pour arriver à une théorie unifiée du tout, il faudrait pouvoir, d'une part, unifier les lois de la relativité générale avec celles de la mécanique quantique. Pour petit rappel, la relativité générale s'intéresse au monde macroscopique, à l'infiniment grand, et c'est la théorie qui décrit une des quatre forces fondamentales, en l'occurrence la force de gravitation. Elle décrit que cette force, la relativité générale. Par contre, la mécanique quantique, elle, s'intéresse à l'infiniment petit et décrit trois autres forces fondamentales qui sont la force électromagnétique, c'est la force responsable de maintenir les atomes cohérents et les molécules cohérentes. L'interaction forte, c'est celle qui maintient le noyau de l'atome cohérent, donc les protons et neutrons ensemble. Et l'interaction faible, qui est liée à la radioactivité. Donc l'idée, ce serait de pouvoir regrouper la relativité générale et la mécanique quantique au sein d'un formalisme unique. Mais ces deux modèles théoriques s'appuient sur des piliers et des statuts incompatibles. Donc vraiment, dans les fondements des théories, il y a des incompatibilités. La relativité générale décrit un espace-temps souple, dynamique et continu, qui interagit avec la matière qu'il contient. Donc par espace-temps, il faut essayer d'imaginer un océan, d'accord? Un océan avec des vagues, et sur cet océan seraient déposées des planètes ou des astres, des galaxies comme les bateaux, d'accord? Sur un océan. Et ces bateaux ou ces planètes déforment un petit peu l'océan, parce qu'ils s'enfoncent un petit peu dans l'espace-temps. Alors ça, c'est la relativité générale, un océan souple, continu, dynamique. La mécanique quantique, par contre, elle décrit un espace-temps plat, statique et discret, donc discontinu, pas continu comme la relativité générale. Donc on voit que vraiment, au niveau fondamental, dans la description de l'espace-temps, on a deux théories complètement opposées. Donc, l'idéal, pour une... En fait, le problème de la théorie du tout, c'est est-ce qu'on va pouvoir, avec une théorie du tout, même si on arrivait à réunir ces deux théories, relativité générale et mécanique quantique, est-ce qu'on serait capable de dire que lors de l'apparition de l'univers, les lois physiques sur lesquelles repose cet univers étaient-elles déjà là, en attente d'univers, de façon un peu transcendante? C'est-à-dire, est-ce que les lois physiques existaient avant l'univers, ou plutôt, est-ce que c'est l'univers qui crée en son sein ces lois physiques? Ouais. D'une façon immanente, à mesure qu'il évolue. Donc ça, c'est un peu la question fondamentale à trancher. C'est d'ailleurs un peu le problème de l'œuf et la poule, que d'ailleurs Olivier Tripet nous avait suggéré de faire un sujet là-dessus. Là, c'est vraiment le problème, le paradoxe de l'œuf et la poule, où la poule poussait au niveau le plus fondamental. Est-ce que les lois physiques étaient là avant l'univers, ou est-ce que c'est l'univers qui crée ses propres lois physiques? Donc la question semble si difficile qu'on essaye de la simplifier conceptuellement, en expliquant que l'univers finalement n'a pas d'origine. Donc c'est un peu une pirouette intellectuelle pour dire voilà, c'est un peu trop compliqué de définir ce que c'est l'origine de l'univers, de la décrire. Donc il y a certaines théories qui partent dans l'idée que l'univers n'a pas eu d'origine. On verra ça un peu plus tard. Ok. Mais bon, quand on veut parler d'une théorifiée unité du tout qui pourrait décrire l'origine de l'univers, bon, on voit que c'est quand même pas facile, hein. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer de décrire l'histoire de l'univers, essayer de remonter dans le temps le plus proche possible de son origine et essayer de voir comment l'univers a pu évoluer. Donc c'est au 19e siècle qu'on a commencé à imaginer une histoire de l'univers. Quand on a élaboré la thermodynamique, on a appliqué les lois de la thermodynamique d'une part aux objets qui constituent l'univers, mais aussi à l'univers lui-même. Et en appliquant ces lois de la thermodynamique à l'univers lui-même, on en a conclu que l'univers arriverait à une mort thermique, donc à la fin de son histoire. Alors ça, c'est au 19e siècle. Plus tard, on a utilisé la théorie de la relativité générale pour analyser l'évolution de l'univers et décrire son histoire passée. La relativité générale considère que l'univers dans sa totalité est un objet physique, c'est-à-dire qu'on peut définir des paramètres physiques qui décrivent l'univers tout entier. Et si on applique les équations de la relativité générale et qu'on remonte dans le temps, Elles aboutissent à la description d'un univers de plus en plus petit, pour finalement terminer ponctuel. Ponctuel, c'est-à-dire? Un volume nul. D'accord. D'accord? Ah, dans le sens de point, De en points, ouais, fait. de points. Ouais, ça, on arrive à un On point, arrive à un juste un point. petit point de rien du tout. D'accord. Exactement. Si on remonte dans le temps, idéalement, l'univers, selon la relativité générale, doit se terminer en un point. Ok. D'ailleurs, il y a un physicien russe qui s'appelle Georges Gamov qui a aussi montré que la contraction de l'univers, qui s'effectue lorsqu'on remonte le cours du temps, correspond aussi à une élévation de température. Donc, l'univers primordial semble avoir été beaucoup plus petit, voire même de volume nul, beaucoup plus dense énergétiquement, c'est-à-dire de densité infinie, et beaucoup plus chaud, voire même de température infinie. C'est-à-dire que poussé à l'extrême, quand c'est un point, c'est densité, température infinie et volume nul. D'accord. Donc de là est née la notion de qu'on appelle de singularité initiale, donc de ce point initial à partir duquel serait apparu un Big Bang, une sorte d'explosion. D'accord? Donc le Big Bang semble donc correspondre à l'apparition de la matière, de l'espace, du temps et de l'énergie. Et le Big Bang serait alors l'instant zéro correspondant à la création de l'univers. Mais est-ce qu'on considère réellement cet état primordial, cette singularité initiale comme l'origine effective de l'univers? Est-ce qu'il faut la considérer comme telle? Ouais, vaste question. Alors, en réalité, cette extrapolation qu'on fait jusqu'à cette singularité initiale, qui nous permet d'arriver à l'instant zéro, elle est abusive. Ça, c'est ce qu'essaie de nous expliquer Étienne Klein. Pourquoi elle est abusive? Parce que quand on remonte le cours du temps, la densité de matière et la température deviennent de plus en plus élevées, comme on a dit. L'énergie des particules qui se trouvent dans l'univers devient aussi de plus en plus élevée. Et pour atteindre ces niveaux d'énergie, les particules ne sont plus soumises uniquement à la force de gravitation, mais elles subissent aussi l'effet de trois autres forces fondamentales, celles de la mécanique quantique, la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Et ces trois interactions ne sont pas décrites par la théorie de la relativité générale, qui décrit uniquement la force de gravitation. Il y a donc un moment, quand on remonte dans le passé, où les équations de la relativité générale n'arrivent plus à décrire ce qui se passe. Parce qu'elles n'arrivent plus à décrire ces trois forces fondamentales qui apparaissent à ces hautes énergies. D'accord? Et ce moment, quand on n'arrive plus à faire des calculs avec la relativité générale, ce moment correspond à ce qu'on appelle le mur de Planck, qui est apparu 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. Donc 10 puissance moins 43 secondes, ça veut dire 0, virgule, 43 une 0, ribambelle de 0, 43 43 0. 0, et puis après 1, 1, 1. Voilà. D'accord. Donc c'est quasi immédiat après le Big Bang. Mais bon, quand même, on n'arrive pas à remonter à l'instant zéro à cause de ce mur de Planck. Et le mur de Planck peut être calculé à partir de la constante de Planck, donc c'est une des trois constantes fondamentales universelles dont j'avais parlé dans le Ouais, dossier sur les absolument. constantes fondamentales. Donc ces trois constantes universelles, on a la constante de gravitation, la vitesse de la lumière et cette constante de Planck. Et le mur de Planck peut ainsi être caractérisé en utilisant cette constante de Planck, elle peut être caractérisée soit par une durée qu'on appelle temps de Planck, donc de 10 puissance moins 43 secondes, soit par une longueur de Planck, ou soit par une énergie. Donc, on ne peut pas intégrer les équations de la relativité générale au-delà du mur de Planck, et donc, a fortiori, extrapoler à l'instant zéro correspondant au Big Bang. D'accord? En amont du mur de Planck, nos théories physiques actuelles entrent en collision les unes avec les autres, et par exemple, le temps n'existe pas en amont du mur de Planck. Donc l'instant zéro apparaît donc comme un instant au travers duquel l'univers, tel qu'il est décrit par nos lois physiques, n'a jamais pu passer. Ouais, c'est pas C'est mal. pas mal ça, hein? Donc pour passer le mur de Planck, essayer d'écrire l'évolution de l'univers entre le mur de Planck et l'instant zéro, il faudrait pouvoir unifier au moyen d'un formalisme commun la théorie de la relativité générale et celle de la mécanique quantique, c'est-à-dire la force de gravitation avec les trois autres forces fondamentales. Alors, il existe quelques approches d'unification. Il y a deux principales théories. L'une, c'est la théorie des cordes, dont on avait déjà parlé sur le dossier de la théorie des cordes. dont tu avais déjà parlé, bien sûr. Ouais, ensemble, on en avait parlé. Les grands sujets costauds. Et donc, il y a la théorie des cordes et une autre théorie aussi, la théorie quantique à boucle, ou théorie de la gravitation quantique. Alors, okay. En gros, ces deux théories, ce qu'elles essaient de faire, c'est de pouvoir intégrer la force de gravitation avec la théorie de la mécanique quantique et les trois autres forces fondamentales de la mécanique quantique. Mais si on revient juste un petit peu sur la théorie des cordes pour voir si elle peut nous aider à comprendre l'origine de l'univers. Bon, la théorie des cordes, ce qu'on sait, c'est que toutes les particules, ce qu'elle essaye de dire, en fait, c'est que toutes les particules de la matière correspondent à des états de vibration uniques d'une particule fondamentale, infiniment petite, qui fait penser à une corde vibrante. D'accord. Mmh. Donc c'est comme une petite corde vibrante, et selon ces états de vibration, ça génère des particules, ou des, selon l'état de vibration d'une particule ou une autre. Ouais. Et si on tente de décrire l'univers primordial avec la théorie des cordes, il arrive à un moment où les calculs deviennent trop compliqués et impossibles, car les cordes deviennent trop enchevêtrées, donc au-delà du mur de Planck, vraiment proche de l'instant zéro. Donc actuellement, il n'est pas possible de décrire l'univers primordial avec la théorie des cordes. Et bon, en plus, la théorie des cordes ne peut évidemment pas être observée ni testée expérimentalement. Cependant, la beauté de la théorie des cordes réside autre part. Cette théorie décrit ce qu'on appelle un espace-temps multidimensionnel. C'est-à-dire, bon, il y a différentes variantes de théorie des cordes. Certaines, la théorie des supercordes, par exemple, définit qu'il y a 10 dimensions. La théorie M, qui est un peu plus générale, elle, définit 11 dimensions. Mais bon, d'une manière générale, la théorie des cordes définit plusieurs dimensions, voire même plus que 10 ou 11 certaines. Dans lesquelles, ça décrit un espace-temps à plusieurs dimensions dans lequel il n'existe pas de gravitation au départ. Les objets qui sont dans cet espace-temps obéissent aux lois de la physique quantique et leur cinématique, leur mouvement, est décrite par la théorie de la relativité restreinte. Donc pas la générale, la restreinte. Parce que la théorie de la relativité restreinte d'Einstein ne prend pas en compte la gravitation. Mmh. Ouais, c'est juste les rapports entre les différentes dimensions en fait, de temps et d'espace. Voilà, ouais, la dilatation du temps et tout ça. Mmh. Et donc on voit que les prémices de la théorie des cordes n'incluent pas la gravitation. Et la beauté de la théorie des cordes réside dans le fait qu'à partir de ces principes, on aboutit aux équations de la relativité générale, qui, elle, oui, intègre la gravitation. Hmm. Donc, ok, donc on finit quand même par retomber sur nos pattes. On retombe sur nos pattes avec la relativité générale. Mais okay. Ce qu'on voit, c'est que la théorie des cordes fait apparaître donc, une sorte de particule qu'on appelle le graviton, qui serait la particule responsable de la gravitation. Et la gravitation est donc déduite de la théorie des cordes, au même titre que la relativité générale. Elle en est finalement une conséquence de la théorie des cordes. Ok. D'accord. Mais la théorie des cordes nous dit aussi autre chose d'intéressant. Elle nous dit qu'il ne peut y avoir dans l'univers une température supérieure à un certain seuil de valeur finie. Donc la température dans l'univers n'a jamais pu être infinie à aucun moment de son histoire et à aucun endroit de son espace. Ouais, ce qui est plutôt bête pour expliquer les premières fractions de secondes. Alors justement, cette nouvelle notion nous amène à ce qu'on appelle un scénario de pré-Big Bang. Parce qu'au lieu de dire que l'univers est né d'une explosion initiale appelée Big Bang, on dit plutôt que le Big Bang, c'est le passage de l'univers au travers d'une phase de contraction très dense et de réchauffement très intense, jusqu'à atteindre la température maximale autorisée par la théorie des cordes, moment auquel l'univers ne peut plus se contracter davantage, car il atteint la température maximale autorisée, et du coup, il rebondit sur lui-même. D'accord. Donc ça, c'est cette fameuse théorie de l'accordéon, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en fait, ouais, l'univers sera en expansion pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il arrive au bout, et puis floup, il se rétracte ensuite pendant quelques... Ouais, il se rétracte jusqu'à qu'il arrive au mur de Planck, et après il rebondit sur lui-même pour de nouveau rentrer en expansion. Donc c'est un nouveau scénario, si on regarde ce que ça veut dire, qui supprime la notion de singularité initiale, ouais, et qui renforce la notion d'origine en termes de transition et changement. Le Big Bang n'est plus qu'une transition de phase de l'univers, finalement. Ok. Donc il n'y a plus lieu de se poser la question du néant, ce qu'il y avait avant l'univers, ce qu'il y avait avant le Big Bang et tout ça. C'est simplement une transition de phase. Alors ça, c'est la théorie des cordes, elle essaye de nous dire ça, en gros. Après, il y a l'autre théorie dont j'ai parlé, la théorie quantique à boucle. Elle aboutit à l'idée que l'espace-temps, donc c'est dans l'idée de la mécanique quantique, l'espace-temps est granulaire, discret et non continu. Donc l'espace-temps est composé comme de petits volumes élémentaires d'espace-temps qu'on appelle quanta, ou atomes d'espace-temps. Et ces quanta, ils sont de taille non nulle et tels qu'on ne puisse pas avoir de volume plus petit. C'est impossible. D'accord? Donc l'espace-temps ne peut pas être structuré en édifice plus petit que ces quanta. Et cette théorie nous amène aussi à un scénario de pré-Big Bang. Parce qu'on dit que le Big Bang, dans ce cas-là, c'est le passage de l'univers au travers d'une phase de contraction jusqu'à que sa taille corresponde à la taille d'un atome d'espace-temps, moment auquel l'univers ne peut plus se contracter davantage, car il a atteint la taille minimale, ce volume minimal autorisé par la théorie quantique à boucle, et du coup il rebondit aussi sur lui-même. D'accord, donc c'est les mêmes conclusions que la théorie des cordes. Donc on arrive à la même conclusion finalement. Donc on voit que ces deux arrivent à une conclusion qu'on pourrait appeler de cosmogonie cyclique. Donc il y a une sorte de cycle, l'univers évolue de manière cyclique. Après, il y a une autre notion aussi qu'on appelle le vide quantique, qui peut nous apporter quelques éléments de réponse. En mécanique quantique, donc ces quantas, ces éléments fondamentaux de matière, sont formalisés par des états énergétiques. Et ces quantas sont représentés par ce qu'on appelle des champs quantiques. Pour faire le vide, en fait, quand on dit faire le vide, c'est ce qui reste quand on a retiré toute la matière, toutes les particules, électrons, quarks, protons, photons, tout ça. Et quand on a retiré toutes les particules, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste plus que l'espace-temps, donc cette sorte d'océan dont on disait, dans lequel se trouvent des champs quantiques, dans leur état d'énergie minimale. Donc il nous reste ces quantas qui sont organisés d'une certaine manière avec une énergie minimale. D'accord? Ça peut paraître un peu bizarre, mais on va essayer d'éclaircir ça. De là vient la notion qu'on appelle de particule virtuelle. La particule, donc la matière, la particule n'existe pas. Mais il existe par contre l'état de la particule dans son énergie minimale. Énergie qui n'est pas assez intense pour que la particule, l'électron par exemple, existe et soit réelle. Parce qu'on s... Mais c'est comme s'il y avait une espèce de moule en fait, c'est Voilà, ça? ouais, une espèce de moule qui a des états d'énergie. Et on sait que Einstein, il avait défini que E est égal à mc carré, donc il avait décrit une relation directe entre l'énergie et la masse. Donc on voit qu'à certains niveaux d'énergie, on a ce qu'on appelle des particules virtuelles. Il n'y a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir créer une particule de matière. Et si on arrive à un certain niveau d'énergie, eh ben, cette particule virtuelle se transforme en une particule de matière, en un électron par exemple. D'accord? Donc ça, en fait, quand on a justement enlevé toutes les particules et qu'il reste seulement l'espace-temps et ces particules virtuelles, ces quantas, c'est ce qu'on appelle le vide quantique. Donc c'est l'espace-temps rempli de particules virtuelles. Et en fait, cette entité espace-temps plus champ quantique pourrait être la matrice de l'univers, une sorte de topologie, comme tu l'as dit, une sorte de moule. Et une fluctuation des particules virtuelles, donc une fluctuation sur les champs quantiques, de ce vide quantique, aurait pu déclencher une expansion de l'univers. Et on imagine assez facilement aussi la possibilité qu'il y ait des millions et des millions de fluctuations. Et à chacune de ces fluctuations, à chaque fois, on aurait l'apparition d'un nouvel univers. Ce qui nous amène à une notion de multivers, donc de plusieurs univers parallèles. D'accord? Et bon, moi je me suis posé la question, je lui ai dit, bon, très bien, il y a des fluctuations sur ce vide quantique qui permettent de transformer ces particules virtuelles qui crée un changement énergétique et ces particules virtuelles se transforment en une particule de matière. Mais d'où viennent ces fluctuations finalement? Parce que voilà, c'est un peu la grande question. Bah ouais, on a de nouveau repoussé le problème. On repousse un peu le problème plus loin, ouais, effectivement. Et alors, j'ai juste fait deux, trois petites recherches. Et bon, il y a certaines théories, comme une qu'avance Stephen Hawking, bon, qui a assez polémisé ces derniers temps au sujet de son dernier livre. Mais lui, il dit par exemple que le vide, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait homogène. Il est instable par nature. Donc, il résout la question assez simplement, finalement. Le vide est instable. Donc, vu que c'est instable, il y a des fluctuations et du coup, il y a des particules qui peuvent apparaître. Ouais. Et un univers. Bon, je m'arrête. Qui se suffit à lui-même. Enfin, c'était le thème de son dernier bouquin, justement. Mais d'ailleurs, Étienne Klein, il dit une chose que je ne savais pas à propos de Stephen Hawking, c'est qu'il dit que là, sa maladie est quand même pas mal avancée, donc il est plus capable d'écrire un livre, et qu'en fait, on lui a fait signer ce livre un peu. On a profité un peu de sa situation pour lui faire signer un livre qu'il n'a finalement pas écrit, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est ouais, c'est intéressant. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il n'avait pas le niveau des derniers. Ça tient. D'ailleurs, il démonte la conclusion de ce livre, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Mais... Ouais. Ça, c'est pour le vide quantique. Il y a encore un autre point intéressant, c'est ce qu'on appelle l'antimatière. Jusqu'en 1930, le monde des physiciens était exclusivement fait de matière composée de petites briques élémentaires appelées particules, électrons, protons, photons, etc. Et il y a un physicien, Paul Dirac, qui, pour résoudre une équation, postula qu'il devait exister une autre particule. Une particule identique à l'électron, mais ayant une charge électrique opposée, c'est-à-dire positive. L'électron, il a une charge négative, et là, cette particule aurait une charge positive, et on l'a appelé le positron, ou l'anti-électron. Et ce positron, cet électron à charge positive, a été confirmé en 1932 en analysant les rayons cosmiques venant de l'univers. D'ailleurs, on voit que la loi de Stigler est à nouveau vérifiée. Est-ce que tu te rappelles la loi de ce que c'est la loi de Stigler? C'est la loi qui dit qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de celui qui l'a découverte. C'était celle-là? Voilà, exactement. C'est la loi de Benford. Exactement. Et bien là, en l'occurrence, la paternité du positron revient toujours à Paul Dirac, alors que visiblement, Jean Becquerel avait déjà postulé l'existence d'électrons positifs en 1908 dans un article qu'il avait écrit. Donc, cette théorie de l'électron à charge positive a été ensuite généralisée à toutes les particules. Et l'ensemble de ces nouvelles particules constitue ce qu'on appelle l'antimatière. Ok. Alors, il faudra cependant attendre 1955 pour découvrir l'antiproton, donc un proton à charge négative, et 1995 pour créer ce qu'on appelle le premier antiatome, qui a été créé au CERN, ce qu'on appelle un anti-hydrogène. Donc c'est un antiproton et un anti-électron. Mm-hmm. Et la différence qui caractérise l'antimatière est donc la charge électrique opposée. Si on fait passer une particule et son antiparticule dans un champ magnétique, les deux particules sont déviées dans des directions opposées. Cependant, les antiparticules ont la même masse et le même comportement physique que leur homologue de matière. D'accord ? Ok. Comme les charges sont opposées, matière et antimatière s'attirent mutuellement. D'accord ? Mm-hmm. Donc lorsque matière et antimatière se rencontrent, elles se désintègrent, s'annihilent, pour se transformer en énergie pure. Ouais. Nouveau la loi E égale MC carré, l'énergie peut se transformer en matière et vice-versa, la matière en énergie. Yep. Donc quand une particule de matière et d'antimatière se rencontrent, elle s'annihile et se transforme en énergie. Donc généralement, cette énergie elle est convertie en un rayonnement gamma. Et pour étudier l'antimatière, les physiciens étudient presque ce qu'on appelle la symétrie CPT. CPT, ça veut dire C pour charge, P pour parité et T pour temps. Lors d'une réaction particulière sur une particule, cette même réaction doit être observée sur son antiparticule, mais de manière symétrique. Donc tout est inversé. La charge est opposée, la parité aussi, et le temps d'une antiparticule doit s'écouler à l'envers du temps de la particule. D'accord ? Waouh, d'accord. Donc tout est inversé. Et un monde composé d'antimatière serait finalement l'image de notre monde à travers un miroir. Ouais. Le problème, c'est que l'univers n'est pas aussi symétrique qu'il n'y paraît. Une théorie pour devoir prendre en compte le Big Bang doit stipuler qu'à l'origine, matière et antimatière ont dû être créées en même temps et en quantité égale. Donc si matière et antimatière étaient strictement identiques, en dehors de la charge électrique qui est opposée, mais strictement identiques sinon, en termes de masse par exemple, et avaient été créées en quantité égale, on aboutit sur la non-existence de notre univers, car matière... Bah c'est ça, parce que tout s'annule. ...aurait dû s'attirer très rapidement, juste après le Big Bang, pour s'annihiler totalement. Et bon, on voit que la réalité, elle est tout autre. On est bien là, et notre univers semble être composé quasiment exclusivement de matière. Ouais, mais l'explication, c'est qu'il y aurait eu un poil plus de matière que d'antimatière, c'est ça ? Tout se serait annihilé, transformé en énergie, et puis nous, on vit des miettes de nouveau. Ben, j'y viens. D'accord. Ce qui peut expliquer cette observation, c'est que matière et antimatière ne sont pas si symétriques que cela, finalement. Ah, okay. Et on parle d'une violation de symétrie. Les symétries entre matière et antimatière sont parfois non respectées et pourraient expliquer pourquoi toute l'antimatière a disparu aujourd'hui au profit de la matière. Mais bon, on n'a pas encore une réponse définitive. Mais on observe qu'il y a eu une violation de cette symétrie. Alors, là, on a parlé principalement des différentes théories qui expliquent un peu certaines approches de l'origine de l'univers, donc la théorie des cordes, la théorie quantique à boucle, qui, elle, propose un univers un peu cyclique, qui rebondit sur lui-même, qui s'étend, se contracte et rebondit sur lui-même. On a vu le vide quantique, et les champs quantiques, une fluctuation sur les champs quantiques pourrait créer un univers, ce qui amènerait une unité de multivers si on a plusieurs fluctuations. Et là, on voit que matière-antimatière, ben, c'est pas si symétrique que ça en a l'air non plus. Alors, ça, c'est pour la théorie, mais on peut aussi observer un certain nombre de choses sur l'histoire de l'univers. On a le télescope Hubble, par exemple, donc le télescope spatial qui aurait détecté tout récemment la galaxie la plus distante jamais identifiée dans l'univers. Ouais. La lumière observée en provenance de cette galaxie aurait été émise il y a 13,2 milliards d'années, soit seulement 480 millions d'années après le Big Bang. Parce qu'il faut savoir que l'âge total de l'univers, c'est de 13,7 milliards d'années. Donc cette galaxie aurait existé il y a 13,2 milliards d'années. Moi, je ne crois toujours pas qu'on peut remonter aussi loin. Ouais, c'est fou. Mais bon, les astronomes, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent uniquement observer la lumière qui est émise du ce qu'on appelle du fond diffus cosmologique. Donc, c'est la lumière qui nous vient de notre passé. Donc, peuvent seulement observer la lumière après le mur de Planck. Après ces 10 puissance moins 43 secondes qui ont eu lieu après le Big Bang. Donc, l'univers primordial ne peut pas être observé au-delà du mur de Planck, en tout cas avec un télescope de type Hubble. On a d'autres outils, on a le LHC au CERN. Alors ce qu'il faut savoir avec cet accélérateur de particules, c'est qu'il y a un des postulats de la physique qui nous dit que les lois de la physique n'ont pas changé au cours du temps. Au cours de l'évolution de l'univers, ce sont les conditions physiques qui ont changé, mais pas les lois. Donc grâce aux collisions de particules à haute énergie, le LHC va essayer de recréer aujourd'hui les conditions physiques du passé. Mais comme les lois n'ont pas changé, on pourra voir les phénomènes physiques du passé. Ouais. Donc ça veut dire qu'à la place d'essayer de traverser le mur de Planck, en quelque sorte, on recrée les conditions qu'il y avait juste avant le mur de Planck. Puis on observe à ce moment-là. Ouais, le plus proche du mur de Planck, parce que on est toujours avec cet inconnu. Au-delà du mur de Planck, les théories qu'on a ne tiennent pas la route pour l'instant. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on voit, c'est que quand on fait collisionner des particules dans le CERN, si on regarde un peu les ordres de grandeur, dans le LHC, on fait des collisions de protons à des énergies de 3,5 TeV. sont c'est-à-dire téraélectronvolts. On fait des collisions entre deux protons, donc chacun des protons a 3,5 TeV, donc l'énergie mise en jeu, elle est de 7 TeV. Ouais. Et 7 TeV, c'est l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Ah. Bon, mais attention, hein, c'est vrai que ça paraît un peu ridicule comme ça, mais l'énergie, dans le cas d'un moustique de 7 TeV, est cependant répartie sur tous les atomes de celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est gros un moustique par rapport à un proton. Voilà, donc dans ce cas, l'énergie par particule est relativement faible dans le cas d'un moustique. Mm-hmm. Par contre, dans le cas du LHC, l'énergie est concentrée sur un seul proton. Donc au moment du mur de Planck, si on veut, à travers le LHC, pouvoir mesurer ce qui s'est passé au moment du mur de Planck, au temps de Planck, on voit que l'énergie du particule n'était pas celle d'un moustique à ce moment-là, d'un moustique en vol, mais c'est celle d'un TGV roulant à 300 km/h. Donc si on pouvait remettre, essayer de voir ce qui s'est passé au temps de Planck, ben voilà, les énergies, on voit que ça n'a rien à voir. Là, on ne va pas pouvoir y arriver avec le LHC. Ah ouais, c'est pas, ça remet quand même pas mal des choses en perspective. Ouais, parce que là, comme je répète, le LHC, il est avec des niveaux d'énergie de 7 TeV. Bon, je crois qu'il va un peu les monter dans ces prochains mois, ces prochaines années, peut-être arriver à 10, 15 TeV. Mais pour pouvoir arriver au mur de Planck, on est très très loin du compte. Très très loin du compte. Ouais, alors effectivement. Donc on voit qu'on est... Bon voilà, on est très loin des conditions physiques correspondant au mur de Planck, finalement. Alors ça, c'est pour ce qui concerne le LHC, mais au CERN, il y a aussi un autre appareil qui s'appelle le AD, le décélérateur d'antiprotons. Donc, okay. L'idée, c'est de pouvoir étudier les antiparticules, d'accord, d'antimatière. Donc, au lieu de les accélérer, on les décélère, évidemment, c'est logique. Ouais, attends, tu vas voir. Non Oui, non, on les décélère, exactement. Mais il faut d'abord pouvoir obtenir des antiparticules avant de pouvoir les décélérer. Ah pour oui, pour pouvoir d'abord les fabriquer. Alors, pour les fabriquer, là oui, on utilise un accélérateur de particules. Et on projette des particules accélérées à grande énergie sur des cibles métalliques. Et on transforme l'énergie cinétique de ces particules en un couple particule-antiparticule. D'accord. Mais fabriquer des antiparticules, c'est une chose. Mais les physiciens veulent aller encore plus loin pour comprendre l'antimatière. Et pour cela, il faudrait fabriquer des anti-atomes, c'est-à-dire un anti-noyau formé d'anti-protons et d'anti-neutrons avec des anti-électrons qui tournent autour. D'accord? Ouais. Donc, ouais, vas-y. Ouais, non, j'allais dire qu'on peut imaginer la difficulté du truc si chaque particule d'antimatière s'annule, enfin ouais, ça s'annihile au moment où elle rencontre une particule de matière et qu'on est dans un monde fait de particules de matière. On peut imaginer que l'expérience doit être assez, assez costaud à réaliser. Voilà, tout le problème est là, c'est parce que l'antimatière s'annihile avec la matière tout de suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1995, le CERN a réussi à créer les premiers atomes d'antihydrogène. Donc c'est le plus simple possible, des antiatomes. C'est composé d'un antiproton et d'un positron, un antiélectron, qui tourne autour. Mm-hmm. D'accord. Mais évidemment, comme tu l'as dit, ces antiatomes étaient trop volatiles, se désintégrant quasiment instantanément et ne permettant aucune étude approfondie. Donc le problème des physiciens n'est pas tant de fabriquer de l'antimatière, parce que ça on peut y arriver avec des accélérateurs de particules, mais de la conserver pour pouvoir la manipuler et l'observer. Mm-hmm. Et à cause des grandes énergies mises en jeu, les antiparticules créées vont automatiquement, vont en fait pratiquement à la vitesse de la lumière, et s'ils rencontrent une particule de matière, tout de suite, immédiatement, elles s'annihilent. Donc, faudrait pouvoir littéralement freiner et ralentir l'antimatière pour pouvoir l'étudier. Donc, c'est plus d'un accélérateur dont on a besoin, mais d'un décélérateur. Et ce décélérateur AD du CERN, en l'occurrence, mesure 188 mètres de circonférence. Et il permet de diminuer l'énergie des antiprotons de manière assez conséquente. En d'autres termes, les antiprotons sont ralentis au tiers de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà pas mal. D'accord. Et le 17 novembre 2010, donc récemment, Ouais, pas une longtemps. expérience qui s'appelait l'expérience Alpha au CERN a réussi à capturer, à piéger des atomes d'antihydrogène. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une particule est énergétique, plus elle est agitée et plus elle est chaude. Donc l'idée qu'on a avec ce décélérateur, c'est de pouvoir refroidir l'antimatière le plus possible. Et donc les antiprotons sont envoyés au travers d'une sorte de piège électromagnétique pour les refroidir à environ 4 degrés Kelvin, donc très près du zéro absolu. On procède de même manière avec des positrons, donc on fait ça avec des antiélectrons et avec des antiprotons. On met l'ensemble dans une espèce de bouteille électromagnétique jusqu'à que le positron se mette à tourner autour de l'antiproton pour former un antihydrogène. Et l'idée est d'empêcher que ces eaux d'hydrogène entrent trop en contact avec la matière et s'annihilent. Et cette expérience alpha a montré qu'il est possible de conserver de cette matière des atomes d'antihydrogène pendant un dixième de seconde. Donc un laps de temps pour les scientifiques suffisamment long pour pouvoir les étudier. Et sur les milliers d'antiatomes produits par l'expérience Alpha, seulement 38, selon le dernier résultat, ont été capturés suffisamment longtemps pour pouvoir être étudiés. Ouais, je me souviens. Et c'est déjà une bonne chose. Donc on voit en fait, l'idée, c'est qu'en observant le comportement de ces antiatomes ralentis, on espère pouvoir mettre en évidence certaines des violations de symétrie dont on a parlé avant. Alors, ben voilà pour ce dossier. Ok, bah dis donc. C'était costaud, hein? Ah ouais, c'était bien costaud, ouais. Ouais, non, je suis resté accroché jusqu'au bout. Je crois que j'ai tout compris. Il y a quand même un truc qui m'a vraiment fasciné, c'est cette histoire d'énergie équivalente à celle d'un moustique dans les expériences qu'on fait actuellement au CERN, dans l'accélérateur de particules, alors que le Big Bang, ce serait l'énergie d'un TGV. Je trouve que ça met vraiment les choses en Alors, perspective, c'est quoi, même sur pas le... le Big Bang, c'est après le Big Bang, donc au temps de Ouais, ouais. Planck, et donc c'est même plus élevé. Ouais. Et si le Big Bang a existé, ce qui n'est pas si évident selon certaines théories. Ouais. Mais enfin, ça montre vraiment nos limitations et puis la limite de la technologie. Enfin, c'est ce qu'on a réussi à produire comme instrument scientifique de plus énorme, probablement. Cet accélérateur de particules, il a coûté quoi, 9 milliards de dollars, quelque chose comme ça? J'en sais rien combien il a coûté. Et puis, ouais, en même temps, c'est tellement infinitésimal par rapport à ce qu'on cherche à étudier véritablement. Ouais, mais ça me. Enfin, c'est un. Comment dire? Un grand coup de modestie, comme ça. D'humilité. On est quand même peu de choses, hein, par rapport à ce qu'on cherche à comprendre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, je recommande aux auditeurs, s'ils veulent vraiment écouter un peu plus, en apprendre un peu plus, écouter ce podcast. Bon, il est en lien sur le dossier de l'article parce qu'il est vraiment passionnant, cet Étienne Klein. Comme il a un raisonnement super bien articulé, c'est assez costaud comme il nous présente ça. Ouais, je me réjouis d'écouter jusqu'au bout. Moi, j'ai juste entendu le début, mais ça s'annonçait vraiment bien, effectivement. Plutôt cool. Entre-temps, pendant qu'on parlait, j'ai retrouvé le nom de la théorie en cosmologie qui suppose une expansion suivie d'une réduction. Enfin, cette espèce d'accordéon, quoi. Ça s'appelle le Big Crunch, par opposition au Big Bang. Ouais. Ouais, effectivement. D'ailleurs, on appelle aussi l'inflation l'univers, ce phénomène d'expansion, on appelle ce phénomène d'inflation. Inflation suivie d'une déflation à un moment donné, Déflation, alors c'est ça, ouais. ouais. Mais non, moi je trouve c'est incroyable ces histoires, c'est incroyable. Ouais, non, c'est génial, c'est absolument génial. Ouais, l'autre truc qui m'a frappé aussi, c'est que toutes les cultures humaines ont une cosmogonie. Ouais. On n'est pas les seuls à être obsédés, en fait, avec ces trucs-là, quoi. Tout le monde se demande d'où on vient, comment l'univers a commencé. Chacun y va de sa petite explication. Ouais, c'est des questions fondamentales. Ouais. Mais bon, comme le dit Étienne Klein, voilà, pour pouvoir choisir la bonne théorie de toutes ces théories dont j'ai parlé, il faudrait pouvoir faire des expériences. Et le problème, c'est que ces théories nous amènent à des niveaux, à des échelles tellement petits que c'est impossible de faire des expériences à ce niveau-là. Ouais. Donc, je sais pas si un jour on va vraiment pouvoir se décider pour une théorie ou une autre. Bah, ma foi, en attendant, je pense que l'important, c'est de, ouais, c'est de rester ouvert à tout, de pas s'entretuer au nom d'une théorie plutôt qu'une autre. Et puis, ouais, que la science continue, quoi. On a quand même fait des progrès fous, on a découvert de ces trucs, toujours tout petit bout par tout petit bout. Bon, le problème, c'est que plus on obtient de réponses et plus il y a de questions pour le moment. Mais d'ailleurs, moi j'en profite pour faire une transition vers la quote. Ça Ah, vas-y. rejoint un peu ce que tu dis. Donc cette quote, elle est justement, c'est Tien Klein qui l'a citée dans l'émission, et elle est tirée de Nietzsche. Et cette quote, elle dit que les semi-vérités sont plus convaincantes et séduisantes que les vérités complètes. Ah ouais. Donc en fait, ouais, par semi-vérité, on fait un peu référence à ces théories modernes de la physique qui restent des semi-vérités, mais qui sont très séduisantes, mine de rien. Ouais, bon, qui ont le mérite d'être effectivement plus compréhensibles, probablement, avec un début, une fin, c'est bien packagé, bien ficelé, et puis on y croit ou on n'y croit pas, quoi. Ouais, Mais je pense que elle, les. ouais, je sais pas, elle ou elle. Bah, parce que ce qu'il dit aussi, c'est que finalement, on s'intéresse plutôt à la science par le biais des promesses qu'on lui attribue, et pas tant par les résultats qu'elle nous donne. Et je trouve ça assez vrai. On dit, ah, la théorie des cordes, c'est super, ça pourra nous permettre de comprendre si ça, mais bon, la science tous les jours nous donne des résultats épatants, et des fois on est plus pendant de ce que va nous dire, ce que va nous promettre une théorie, que regarder vraiment ce qui se passe autour de nous. Ouais, bah c'est souvent, ouais, souvent nettement moins sexy, quoi. C'est juste la réalité. Voilà, mais c'est ça, la réalité, la vérité complète est beaucoup moins sexy que les semi-vérités, comme il dit. Ouais, on a quand même évolué pendant des milliers d'années pour. En se raccrochant à des histoires, en essayant de trouver des explications rassurantes. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est câblé pour ça, quoi, pour gober n'importe quelle histoire, parce que voilà, ça semble être une explication, ça semble répondre à des questions, ça nous rassure un moment, on s'agite moins, on s'angoisse moins, et puis on peut s'occuper d'autres thèmes. C'est vrai, c'est pas très rassurant finalement, des cosmogonies comme celle que nous livre la science aujourd'hui, qui en gros dit j'en sais rien. On sait pas d'où on vient, on n'a pas fini de chercher, puis si ça se trouve, on trouvera jamais, Ben quoi. c'est ça, ça peut avoir un côté angoissant. Par contre, quand on te propose une semi-vérité, tu as une perspective à moyen terme ou à long terme d'une vérité, donc voilà, tu as une certaine espérance, et ça, peut-être d'une certaine manière, ça t'enlève une angoisse fondamentale, existentielle. Exactement. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même frappant de penser que dans toutes les cultures, il y a des cosmogonies. Donc tout le monde se pose la même question, d'où est-ce qu'on vient? Ouais, c'est une obsession aussi vieille que l'humanité. Et ouais, c'est si des raccourcis de pensée nous permettent de nous éloigner finalement de ces questions et puis de s'intéresser à la marche du monde, c'est pas étonnant qu'on y adhère, qu'on y souscrive, quoi. Mais enfin, vachement intéressant comme quote. Moi, ça me plaît bien. C'était Nietzsche, t'as dit? Ouais. Alors, je sais pas s'il l'a écrit exactement comme ça. Moi, j'ai repris Étienne Klein dans ses propres mots. Mais cet Étienne Klein, d'ailleurs, il est incroyable. J'avais déjà vu, je l'avais déjà entendu dans deux, trois autres sujets. Lui, il est aussi. Bon, là c'est en l'occurrence au travers d'un livre qu'il a écrit sur l'origine de l'univers. Mais il s'est beaucoup aussi intéressé au temps, donc aussi une notion pas mal abstraite. Et j'avais entendu une ou deux fois parler du temps, et ça méritera aussi un petit sujet une fois ou l'autre. C'est un type vraiment passionnant, passionnant. Bien, bien. Ben, belle promesse. Tu nous as expliqué l'origine du cosmos. Tu vas bientôt nous expliquer le temps. Ouais, faudra attendre quand même un petit peu, je crois. Vas-y, Les entre-temps, prochains épisodes, tu nous fais des sujets. Voilà. je vais revenir sur des sujets un peu plus terriens, là, les prochains épisodes. Voilà. Excellent. Bon, on va en rester là pour cette semaine. On en reste là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec l'équipe au complet en principe, avec le retour d'Antoine qui aura fini de faire la fête. Bah, tiens, qui va peut-être nous parler des bulles de champagne. C'est un sujet dont on devait parler à Nouvel An et puis on a un peu oublié de le faire. Si on a le Nouvel An chinois comme prétexte, ça peut être une très bonne idée. Enfin, on verra. On ne sait jamais en fait d'une semaine à l'autre de quoi on va parler la semaine suivante. Non, la preuve aujourd'hui, j'avais pas du tout l'intention de faire un sujet sur l'origine de l'univers, et c'est en écoutant Ciel et Espace ce week-end que j'ai décidé de le faire. Donc, Ouais. pour la semaine prochaine, rien de prévu encore. Peut-être les bulles de champagne, on verra. Ouais. Bon, bah, affaire à suivre, on en saura plus la semaine prochaine. Bah, d'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Allez, à bientôt, ciao. Ciao, ciao.